t'emmener dans les palaces. Je suis dans le bec. Tu veux me faire sortir du bec. Je vais pas t'emmener dans les palaces. Regarde, toujours frais sur moi-même. Je fais partie de ces sales négros qui ont quitté le bendo. Si fut coro, violent, avec toi je serai galant. Fais-moi juste des plats de tchèbe et je t'achèterai des talons. T'as l'air d'un beau parleur. Ah bon? Tu veux que l'on aille ensemble. Je pourrais te parler désormais. J'ai du mal à te comprendre. Viens, je t'emmène à Monaco. Mais pourquoi faire à Monaco? On fera du shopping sous la côte. Est-ce que t'as vu les prix des roches? Tu feras des selfies dans ma gauche. Ok, je te laisse me piloter. Ça mettra la rage à tes potes. Je laisse une chance, sinon c'est mort. Tu me trouves trop chaud. Moi c'est Nakamura. Tu dis que je parle à trop de beaux. Et toi que je parle à trop de gars. Je te passe sans cesse, mais tu ne comprends pas. Je suis pas charo, je suis particulier. Je veux qu'on s'arroge, je veux qu'on claque du blé. Vacances, shopping, je suis habitué. Ah bon? Tout ça n'a rien de particulier. Bye bye, si je m'ennuie un peu trop. Bye bye, si je vois que t'en fais trop. Rien à foutre de ta life. Pourquoi tu cherches des palaces? T'as l'air d'un beau parleur. Ah bon? Tu veux que l'on aille ensemble. Je pourrais te parler désormais. J'ai du mal à te comprendre. Viens, je t'emmène à Monaco. Mais pourquoi faire à Monaco? On fera du shopping sous la côte. Est-ce que t'as vu les prix des robes? Tu feras des selfies dans ma gauche. Ok, je te laisse me piloter. Ça mettra la rage à tes potes. Je laisse une chance, sinon c'est mort. Tu me trouves trop chaud. Moi c'est Nakamura. Tu dis que je parle à trop de beaux. Et toi que je parle à trop de gars. Je te passe sans cesse, mais tu ne comprends pas. Que tu faisais trop la douche. On a chopé ces cheveux là-haut. Gucci, Versace. J't'ai follow, maintenant je flash. Maintenant j't'appuie tout mon zéyo. On m'appelle, je réponds plus. Maintenant c'est comme ça. J'te trouvais trop charo. Moi c'est Zifuko. On remet tout à zéro. On remettra rien. Tu peux pas comprendre. Je suis un vrai chose. Qu'est-ce que ça?